بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديك مونتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. ساكم لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأمس أخذنا حكم ماء البحر. الجمان sur l'eau de mer. Qu'en est-il? L'eau de mer. طهور. ماء البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رواه ثلاثة وغيرهم. طيب، والحل ميتته selon la chair morte est licite. Qu'est-ce que cela veut dire? الحل ميتته، ما معنى هذا؟ ça concerne quels animaux? Les animaux marins qui vivent dans l'eau. نعم. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه ثلاثة وصححه أحمد. Donc selon Abu Sa'id al-Khudri, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que l'eau est purifiante, rien ne la souille en la rendant impure, rien ne la rend impure. ثالثا قال عن أبي أمامة الباهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غرب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيحقي يعني زيادة الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. طيب. Donc le troisième hadith, selon Abu Umama al-Bahri, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, l'eau, rien ne la souille, c'est-à-dire rien ne la rend impure, hormis ce qui changerait, qui aurait effet sur son goût, ou son odeur, son goût, ou sa couleur. Hein? Ce qui aurait effet sur son odeur, son goût, ou sa couleur. أخرج ابن ماجه. Et Abu Hatim l'a affaibli. Et للبيهقي qui le dit, toujours de Abu Umama al-Bahili, que l'eau est purifiante sauf si son odeur et son goût et sa couleur viendraient à changer pour une impureté l'ayant fouillée. Là c'est un ajout. Donc le premier hadith des trois de Abu Sa'id al-Khudri, celui-là il est sahih bi shawahidi, par c'est des hadiths qui l'appuient dans le même sens. Quant aux deux autres, ils ont été affaiblis. Les deux autres ont été affaiblis. Quatrième hadith, toujours lié à ce chapitre, qui est celui de Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث وفي اللفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. Que selon Abdullah ibn Omar, que le رضي الله عنهما, que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que si l'eau est de quantité de deux kulla, on va dire c'est quoi des kulla, alors elle ne peut être rendue impure. Elle peut être altérée par une impureté rapportée par l'arba, les quatre, qui sont, on l'a dit, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah. Donc là, il a mis ces trois hadiths ensemble dans un même chapitre qui concerne l'eau en soi. Quand se voit-elle rendue impure? Quand est-ce qu'elle est rendue impure, elle est souillée et qu'elle devient impure? C'est lié à ce qui la souille et c'est lié à sa quantité. Donc tout d'abord, il a commencé par le hadith de Abdullah ibn Omar, le quatrième. Et il dit qu'il n'y a aucun hadith marfou. C'est quoi un hadith marfou? C'est un hadith qui remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déterminant les quantités de, c'est quoi, de kulla. Il n'y a pas de hadith qui vient exactement déterminer leur quantité. Mais il y a un hadith qui a été rapporté par Ibn Omar. Lakin dedans il y a un homme qui est Daif Jiddan, qui est très faible, disant que les kulla, une kulla à la base serait un grand jar, un grand récipient. C'est quoi un jar? Et que apparemment le sens voulu par les kulla dans ce hadith, ce sont ceux de Hajar. Hajar, c'est un lieu qui est le Médina. C'est un lieu qui est le Médina. Parce que tu peux avoir des jars de différentes tailles. Ça dépend du lieu où tu vas. Donc là, apparemment, il y a un hadith faible qui serait venu pour citer quels sont les jars qui sont voulus dans ce hadith. Mais le hadith, il n'est pas authentique. Mais c'est ce qui est de plus proche. C'est-à-dire le Qilal Hajar. Qilal, c'est le jam de Kulla. Qilal, c'est le jam de Kulla. Alors après, il y a eu une grande divergence, un grand khilaf entre les ulama. Quelle est la quantité voulue par Al-Kullatayn, par les deux jars, hein? Que si l'eau est d'une quantité de deux jars, qu'elle ne peut être rendue impure. Donc il y a eu plein de khilaf par rapport à qu'est-ce qui est voulu par les deux jars, la quantité. Ça revient au final à, sans citer toutes les divergences qu'il y a, la parole la plus forte venue, et que cela équivaut à 500 ratl irakiens qui reviennent à entre 75 et 93 sa'a. Un sa'a, c'est quoi ça? C'est 4 fois tes mains. 4 puisées de mains. Deux mains de taille moyenne. Quand même, un sa. Donc là, ça revient entre 75 et 94. Et ça revient en combien en litres? Un peu moins de 200 litres. Ça revient à moins de 200 litres. C'est-à-dire les deux jars ensemble. Ça revient à moins de 200 litres d'eau. Ce n'est pas bien défini, entre 150 et 200 litres, à peu près, tout ce que je me rappelle. Donc cela est considéré comme peu d'eau. Et comme je te l'ai dit, il y a d'autres paroles. Celle-là, c'est celle qui est sortie comme étant la plus forte, mais tu trouveras une grande divergence là-dessus. De toute façon, ça ne change rien au fond du sujet qui va venir. Donc il dit al-ahkam al-mustafada min al-ahadith al-mutaqaddima, c'est-à-dire les règles à profiter des hadiths précédents. Awwal al-mas'ala al-ma al-qalil wal-kathir idha kharatahu al-najasa. Maintenant le jugement de l'eau en grande quantité ou petite quantité si jamais elle a été mélangée à une impureté. Il rapporte d'Ibn Munzir dans l'Awsat, il dit أجمع أهل العلم على أن المال قليل أو الكثير إذا وقعت فيها أو فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك لا يجزى الوضوء والاغتسال به. Donc il y a unanimité des gens de science que l'eau en grande ou petite quantité, si jamais une najasa tombe dedans et qu'elle change une de ces trois caractéristiques qui sont son goût, sa couleur, son odeur, qu'elle devient impure. Tant qu'elle est comme ça, qu'il n'est pas permis de faire l'eau d'eau avec ni le roussel, le lavage. Ça se revient au hadith précédent. Donc ces hadiths-là, bien qu'ils n'aient pas été authentifiés, il y a ijma, les gens de science, sur le fait d'agir en conséquence de ces hadiths. Ibn Taymiyyah a dit que tu ne trouveras pas un ijma sans qu'il y ait un texte à la base. Un ijma, il n'est pas inventé. Un ijma n'est jamais inventé. Il a toujours un dalil à l'appui. Quoi qu'il en soit, il y a ijma. Ibn Munzir, il rapporte trois cas de figure par rapport à l'eau. Qui sont-ils ? Al-ma'u kathir izi khalatahu al-najasa wa ghayrat ahad awsafihi fainahu najasun ma dama kadhalika. Comme on l'a dit. L'eau de grande quantité, que si jamais elle est mélangée à une impureté qui change une de ces trois caractéristiques, elle devient elle-même impure. الماء كثير إذا خلطه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه الطهور. Maintenant toujours l'eau en grande quantité, si jamais l'impureté vient se mélanger à elle, ne change rien de ses caractéristiques, les trois, couleur, eau et goût, l'eau reste purifiante. Et le troisième cas de figure, c'est si l'eau elle est en petite quantité. Et là c'est le même jugement, si jamais elle se mélange à une najasa et qu'elle change une de ses caractéristiques, alors l'eau devient impure elle-même. Et il dit ces trois cas de figure, il y a unanimité sur les trois. Maintenant il reste là où il y a le khilaf, c'est lequel, un cas de figure, un quatrième. L'eau d'une quantité, l'eau de peu de quantité, si jamais elle est mélangée de najasa et qu'elle ne change pas. Ni son eau, ni sa couleur, ni son odeur, ni son goût. Ce qu'on dit en peu de quantité, c'est ce qui est en dessous des kullatayn, des deux jarres. Ça c'est considéré comme étant peu d'eau. Donc cette eau-là maintenant, si jamais une najasa tombe dedans, et qu'elle ne change rien. Quel est le jugement par rapport à cette eau ? C'est là qu'il y a un khilaf. Et il y en a qui voient que le simple fait qu'il y ait un contact entre une najasa et de l'eau, on peut constater, l'eau, elle devient impure. Ils servent de quoi comme hadith, comme preuve ? Il y a le hadith de Abu Huraira. المتفقون عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بتت يده. Que celui d'entre vous qui se réveille, s'il se réveille dans son sommeil, qui ne plonge pas sa main dans l'eau tant qu'il n'a pas lavé trois fois auparavant, car il ne sait pas où est-ce que sa main a passé la nuit. Donc il voit qu'il se peut que ta main est contactée avec une najasa, que le fait que tu la rentres dans l'eau, enfin l'eau d'eau, ça va rendre l'eau impure. Ça c'est une de leurs preuves. Deuxième preuve, toujours selon Abu Huraira, muttafaqun alayhi, il dit wala ghal kalbu fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'a. Wa fi lafz muslim falyuliqhu. Donc ils disent le hadith d'Abu Huraira muttafaqun alayhi, que si jamais le chien venait à boire dans le récipient de l'un d'entre vous alors qu'il le lave sept fois. D'accord ? Et après qu'il jette l'eau. Donc ils disent que le fait de jeter l'eau et le fait de laver le récipient démontre que cela a été souillé. Pas une najasa qui est à la base la bave du chien. Cela va venir, Inch'Allah. Et troisième call, troisième dalil, afouen, c'est le hadith an al-Hassan ibn Ali, radhiallahu anhu, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yaribuk il est ma la yaribuk. Rahu Tirmidhi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse ce qui te rend perplexe pour ce dont tu es sûr. Donc c'est sa première parole, premier avis, c'est que l'eau, le moins de contact avec une najasa, elle devient impure. Deuxième call, et qui est l'authentique, c'est que l'eau reste pure tant qu'elle n'est pas touchée par une najasa qui change ses caractéristiques, les trois. Qui sont sa couleur, son odeur et son goût, même si elle est en plus de quantité. Et là, c'est basé sur l'ijma et les hadiths précédentes. Et ils répondent à ces hadiths qui disent que le fait que tu mettes ta main dans l'eau n'indique pas forcément que c'est pas une preuve tranchante pour dire que ta main elle est touchée de najasa. Car il se peut que ta main n'est pas touchée de najasa, et cela n'empêche pas que Nabi Salam te l'a interdit de le faire. Donc ils disent que ça c'est des umur ta'abudiyya, liés à des adorations dont on ne connaît pas forcément la sagesse. Il y a des choses, des fois on a un ordre dans un hadith ou une interdiction, on ne connaît pas la sagesse qu'il y a derrière. Donc on prend comme un amr ta'abudi, c'est une chose d'adoration, la illa, la cause, on ne la connaît pas forcément. Nous on est là, on obéit, on écoute. D'accord. Ils disent dans ces hadiths-là, il n'y a rien qui prouve que, d'accord, que le peu de najasa en contact avec l'eau la rend forcément impur. C'est pas assez clair, c'est Adil. Et ça, c'est une parole qui est vraie. Et ça, on reste sur ce qui est plus rassurant pour le cœur. La parole d'avant qui est que l'eau, petite quantité ou grande quantité, si elle est mélangée de najasa et que son odeur, et que sa couleur, et que son goût ne sont pas altérés, alors l'eau elle reste pure. Que ce soit beaucoup d'eau ou peu d'eau. Là, c'est une règle qui va être générale. Et également parmi la preuve, inel ma tahur la yunajisu shay'un, que l'eau est pure et que rien ne la rend impure. Ou plutôt l'eau est purifiante et rien ne la rend impure. Ainsi, à part exception faite pour ce qu'on a cité comme la najasa qui l'atteint et qui change ses caractéristiques. Ensuite, c'était d'autres cas de figure. Masa'il, elle met el mushammas, c'est-à-dire l'eau qui a été exposée au soleil. L'eau qui est restée au soleil. Quand il y a un hadith maudour qui est venu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Aïcha, Tola. Et le hadith est maudour, il l'a inventé. Donc, c'est la même chose. Est-ce que l'eau a été touchée par une najasa? Non. Sa couleur, son odeur et son goût ont changé? Non. Elle est tahour, purifiante. Ensuite, deuxième cas de l'autre cas de figure, Mas'ala, elle met Moussakhan, l'eau qui a été réchauffée. L'eau a été réchauffée, et c'est la même chose. On revient à la règle de base, c'est une qaïda, que l'eau, tant qu'elle n'a pas été mélangée de najasa, qui a changé sa couleur, son odeur ou son goût, elle reste purifiante, tahour. Comme je te dis au début, quand tu as une qaïda, tu as une base, tu es dessus, on peut t'amener plein de cas de figure, bisnet, toi, la réponse. Toi, la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Après, si t'as une faïda, le fait de se purifier est tatahur bima zamzam. L'eau de zamzam. Donc, l'eau de zamzam, tatahur fi umum qawlihi nabi sallallahu alayhi wa sallam, al ma'u tahurun. Que l'eau est purifiante. L'eau de zamzam, c'est d'une eau. C'est de l'eau, c'est pas de l'eau. Elle est englobée par cette preuve. Là, il n'y a pas de tarsis, il n'y a rien. Donc, n'abko ala l'umum. Que l'eau est tahour, qu'il soit de l'eau du ciel, l'eau des sources, l'eau de Zemzem, qui est notre source à la base, elle reste tahour. Il rapporte une parole de Nawawi, dans laquelle il dit qu'on peut tout à fait faire l'eau d'eau avec toute Zemzem. Et certains. Hein? Lui, il a rapporté que Nawawi, lui. Ça ne veut pas dire qu'il y a que lui qui l'a dit. Ensuite, certains gens de science ont rendu détestable makrouh, le fait de l'utiliser pour el-stinja, le fait d'enlever le najasa. L'eau de zamzam. Vous voyez? Car selon un bizarre, fi sahih muslim, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innaha mubarakatun, innaha ta'am ta'amun. Que en fait, l'eau de zamzam, c'est une eau qui est bénie et non nourrissante. Donc, ils voient que c'est makrouh d'utiliser cette eau à ses fins pour enlever le najasa. Ils n'ont pas dit que c'était haram, mais c'est makrouh. Mais on sait que chez les mutaqaddimin, chez les anciens, makrouh c'était haram pour eux. Donc là, je ne sais pas c'est quoi ce qui est venu, mais il faut un dalil qatir pour dire que c'est haram. طيب لا une faïda que Bassam a ramené dans son charf de Bulugh al-Maram qui est l'eau qui était purifiée, l'eau qui était une najasa et qui était traitée purifiée, comme on a par exemple l'eau des égouts en France, elle est purifiée. Il a ramené des fatwas des ulama qui disent que si l'eau était purifiée, qu'il n'y reste plus de caractéristiques changeant sa couleur, son odeur et son goût, aussi souillée qu'elle fût auparavant, elle a été traitée, purifiée, elle est redevenue tahour, elle redevient pure. Et qu'il n'y a aucun problème à l'utiliser pour refaire l'eau et se laver. Ils ont dit même la boire. Mais cependant, par prudence, vous me délaissez. Hein? Al-Bassam. Non. Dans son char, Tawdih al-Ahkam. Il y a même deux fatwas. Et que les ulama au final ils disent par prudence vaut mieux ne pas en boire. Et c'est ce que Shayahé également a entendu dire, que l'eau qui était l'eau des égouts, tout ce qui était dans tous les pays, l'eau qui était utilisée dans les toilettes, ce genre de choses qui passent dans les égouts et qui après qui est retraitée, il a dit cette eau là tu ne la bois pas, lui voit tu ne la bois pas, pas que c'est haram, mais il a dit mais même si elle est potable ou quoi, évite, tu vois. Tu sais ce que cette eau elle était auparavant, même s'ils l'ont traité, elle a dit évite. Tant que tu peux éviter d'en boire, bois autre chose. Bois de l'eau minérale, de l'eau que tu sais qui est vraiment pure, mais cette eau-là, éviter de la boire, l'eau du robinet. Qui vient de l'eau des égouts, on parle. Hein. Qui vient de l'eau des égouts. En tout cas, il n'y a pas de tahlim. Mais point de vue santé, point de vue médical, hein, point de vue sanitaire, c'est mieux de l'éviter. Wallahu ta'ala alam. Donc ça c'était les hadiths de jour par rapport à l'eau. Donc au final, qu'est-ce qu'on a appris? Que l'eau, il y a ijma quant au fait qu'elle soit en grande quantité ou petite quantité. Si jamais une najasa se mélange à elle et que ça change une de ses caractéristiques, l'eau devient impure. Najasa. Et que si elle est en petite quantité, les trois soirs qui ont été rapportés, et que si jamais elle est en grande quantité et qu'une najasa la touche et qu'elle ne change pas, elle reste pure. Là, il y a le khilaf, c'est l'eau de peu de quantité qui était mélangée à une najasa et que ses caractéristiques n'ont pas changé. Il y en a qui disent que elle a été rendue impure. Et d'autres qui disent que non. Et la parole la plus forte, c'est qu'elle ne l'est pas tant que ses caractéristiques ne changent pas. Elle n'est pas une najasa tant que ses caractéristiques ne changent pas. La fumada. Wa'adam muhim jiddan, c'est une chose importante comme ça. Les gens n'ont plus de wasawis, n'ont plus d'insufflation. Le shaitan, lorsqu'ils sont devant les eaux, ils sont plus perturbés. Ils restent fermes. Ils apprennent à savoir quand l'eau, comment elle est. Non. Fa'ilawna walhamdulillah rabbil alamin.